jour et nuit dans mon ghetto, poteau y'a aucune trêve. C'est soit tu t'en sors, soit tu crèves seul. PES Andrea pèse le mic comme personne. 420 Valdef, si tu nous cherches en personne. Dans mon équipe, y'a pas de parole de putain. C'est 24 sur 24 qu'on s'empare du butin. De midi à minuit, c'est la crise dans ma tessie. Jour c'est la famine et la nuit c'est le drame pour des sentiers. Je serai mi-homme, mi-paix jusqu'à temps que mes souvenirs me reviennent. Juste avant que cette guerre s'achève. Pourquoi faut-il que je saigne devant la tristesse de ma haine? Le jour se lève, les soucis reviennent avant même les premiers rayons de soleil. Pour nous chaque jour est un compas sans trêve. Pour dormir paisiblement avant que la lune soit pleine. De jour comme de nuit, traqués par nos ennuis, causés par les fautes commises dans nos vies. Dans mes cris, je te crache un peu de ma mélancolie. Je le fais, je le dis, toujours de jour comme de nuit. Sachez que j'oublierai jamais tous vos visages. Car dans ma tête, ça en fabrique des images. Comme ça au moment où je m'éteindrai, mes yeux je les fermerai, là seulement je me rappellerai. De toutes ces fois où j'ai rigolé, de toutes ces fois où j'ai regretté d'avoir échoué. Alors tant que j'ai cette chance de vivre, j'écris, je laisse une trace de ma vie. Toujours de jour comme de nuit, je peaufine ma poésie. Quand ici les relations se déchirent, je compte plus toutes les journées passées dans ma tessie. Assis face au petit, à regarder arriver la pluie. Jour et nuit dans mon ghetto, poteau y'a aucune trêve. C'est soit tu t'en sors, soit tu crèves seul. PES Andrea pèse le mic comme personne. 420 Valdef, si tu nous cherches en personne. Dans mon équipe, y'a pas de parole de putain. C'est 24 sur 24 qu'on s'empare du butin. De midi à minuit, c'est la crise dans ma tessie. Jour c'est la famine et la nuit c'est le drame pour des sentiers. Je serai mi-homme, mi-paix jusqu'à temps que mes souvenirs me reviennent. Juste avant que cette guerre s'achève. Pourquoi faut-il que je saigne devant la tristesse de ma haine? La vie de nos jours c'est shit, incarcération, violence gratuite, bavure de flics, fausse déclaration. La nuit tombée ça devient dangereux dans mon secteur. Le jour se lève c'est des grosses plifs avant 7h. Discret la journée, je fais mes dièses sous l'œil de la lune. Pour mon bonheur il me faut de la thune gros. Jour et nuit, je vois que c'est la merde, rue du billet gros. Du bif, c'est le dicton de ma banlieue. C'est le dicton de ma bande, pour des euros 500 sa bande. Ça fait combien de temps que je veux sortir mon cul de la merde? Mais jour et nuit c'est la même, ouais la merde. Crois-moi j'essaie de faire fructifier mon business. À cette destination j'ai attaché ma big less. Laisse tomber, si t'es mon pote jour et nuit je te laisserai pas tomber. BES pour cartel, j'en ai encore sous le pied. Mon rap m'a dit une France te baisse comme la main d'Henri. Pour l'international, mon place c'est Paris. J'suis banlieusard du 9-4 Val de Fontenay. Et jour et nuit j'fais ce qu'il faut pour que mes fonds tiennent. Jour et nuit dans mon ghetto, poteau y'a aucune trêve. C'est soit tu t'en sors, soit tu crèves seul. PES Andrea pèse le mic comme personne. 420 Valdef, si tu nous cherches en personne. Dans mon équipe, y'a pas de parole de putain. C'est 24 sur 24 qu'on s'empare du butin. De midi à minuit, c'est la crise dans ma tessie. Jour c'est la famine et la nuit c'est le drame pour des sentiers. Je serai mi-homme, mi-paix jusqu'à temps que mes souvenirs me reviennent. Juste avant que cette guerre s'achève. Pourquoi faut-il que je saigne devant la tristesse de ma haine? Jour et nuit dans mon ghetto, poteau y'a aucune trêve. C'est soit tu t'en sors, soit tu crèves seul. PES Andrea pèse le mic comme personne. 420 Valdef, si tu nous cherches en personne. Dans mon équipe, y'a pas de parole de putain. C'est 24 sur 24 qu'on s'empare du butin. De midi à minuit, c'est la crise dans ma tessie. Jour c'est la famine et la nuit c'est le drame pour des sentiers. Je serai mi-homme, mi-homme.